إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 84 dans l'explication de Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on a fini le volume 1 et on a fait jusqu'à date un cours, on a fait en fait un cours du volume 2, c'est dans le chapitre 28, Kitab au Bab Maja'a fi al-Tatayyur. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté sur le sujet de al-Tatayyur, et al-Tatayyur c'est bien entendu les mauvais présages. Et qu'est-ce qui a rapport avec les mauvais présages, hein, les mauvaises augures, les mauvais présages, hein, et qu'est-ce que les gens croient comme étant des choses qui portent malheur, des trucs de ce genre. Voilà pour ça, donc j'avais fait ce cours-là quand j'étais à Chalon en France, à Chalon en Champagne, et j'ai fait la première partie de ce cours. Et donc on va compléter aujourd'hui la suite ici maintenant, Inch'Allah. Donc c'est l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « An Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, la adwa, wa la tira, wa la hamma, wa la safar, akhrajahu, wa zada muslim, wa la naw'a, wa la ghoul. » Voilà, Noa, voilà, roule. Et on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire, voilà, Noa, hein, et que c'est le pluriel de singulier de Al-Anwa, et on va expliquer, on va parler de ça plus loin de toute façon. On va y revenir là-dessus. Maintenant, on est arrivé à l'explication de Al-Roule. Qu'est-ce que c'est Al-Roule? Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, à ce passage-là, il dit, wa qawluhu wala roule, بضم الغين أحد الغيلان، والغيلان من أعمال الشياطين تتشكل أمام الناس في الفلوات، وخصوصا إذا استوحش الإنسان، تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق، إما بأن يرى أمامه نارا تنتقل أو أصواتا يسمعها أو غير ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا توغلت الغيلان فبادروا بالأذان، ومعنى أنه إذا تغول والغول أمامك فبادر إلى ذكر الله، فإن ذكر الله يطرد الشيطان، فإذا ذكرت الله أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا أيضا. Donc le Cheikh explique ici, voilà ghoul. Al ghoul, c'est le singulier de ghaylan. Et ghaylan, c'est quoi al ghoul? C'est une sorte de, comme les ulama ont expliqué, c'est une sorte de djinn qui apparaît dans les endroits déserts. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي الفم دي ديابل دي شياطين. السلام عليكم منود. سبا. ها. سي sorte de shayatines qui apparaissent dans la nuit aux voyageurs pour les faire perdre leur chemin. Et ils peuvent prendre différentes formes, ok? Ils peuvent apparaître, comme le cheikh il dit, ils peuvent apparaître comme des lumières qui bougent, ou des voix que les gens entendent, ou des choses de ce genre. Et donc, ils viennent et ils essaient de faire peur aux voyageurs dans la nuit, ou dans les endroits déserts, et puis, c'est ça qu'ils appellent al-roule. C'est une forme de shaytan, une forme de diable. Et le cheikh il dit que c'est pour ces choses-là en fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « voilà roule », ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, sauf qu'il ne faut pas se laisser affecter par ces choses-là, et puis il faut, lorsqu'on voit ces choses-là, demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne pourront rien faire contre nous, parce que les shayatins ne peuvent rien faire contre nous. Et le cheikh il mentionne un hadith, mais le hadith il est daïf. Il est rapporté dans Da'if al-Jami', le hadith numéro 535. Et Cheikh al-Albani l'a déclaré Da'if. C'est le hadith qui dit إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. Donc, si tu vois le rinan devant toi, alors rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va faire chasser le shaytan. Donc c'est ça l'explication. Il y en a qui ont traduit aussi le rôle par les ogres ou des trucs de ce genre, hein. Et donc c'est ça. Mais en fait, c'est comme les ulama ont expliqué, c'est des formes de djinns, hein, une catégorie de shayatin qui font peur aux gens dans la nuit. Non, les ogres, c'est certaines personnes qui ont traduit ça comme ça. Allahu a'lam si c'est vraiment ça, mais c'est des djinns, hein. C'est ça, c'est comme le monstre, ou l'ogre, un ogre, ou un djinn, ok? Non, c'est un ogre, vous avez sûrement entendu parler des ogres. Tu connais le truc des cartoons pour les enfants, là, c'est très populaire. Non, c'est une bande dessinée, un truc là, c'est très populaire. Il est vert, le bonhomme. Il habite dans les déchets, là, dans les marais, ou je sais pas quoi. Il est vert, Shrek, il s'appelle Shrek. Vous avez entendu parler de Shrek? Bon, lui, c'est un ogre. Ok? Donc, ça, c'est un exemple de truc comme ça. C'est comme ça, deux monstres, bon. Mais en fait, c'est des chéatines. C'est du diable. Bon, mais ça ne veut pas dire que nécessairement c'est ça, hein. C'est juste pour vous expliquer un ogre, qu'est-ce que c'est, par rapport à qu'est-ce que les gens disent, des fois qu'ils imaginent que c'est un ogre, mais c'est un djinn en fait, un shaitan, qui prend une forme comme ça, d'accord, qui fait peur aux gens, qui essaie de faire peur aux gens. Cheikh il dit, « وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ فِي هَذِهِ الْغَيْلَانِ أَنَّهَا تحدث لهم شرا والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال لا أصل لها وهي أعمال شيطانية لا تضر أحدا إلا بإذن الله وذكر لها علاجا شافيا وهو ذكر الله فهذه أمراض جاهلية عالجها النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الذكر دل جاهلية جاهل كويك في جعب كرياتور de shayatin pouvaient leur faire du mal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié ça, et il leur a expliqué que ça n'a aucun fondement, ça ne peut pas vous faire du mal, et que c'est des actions des shayatin, et ça ne peut pas faire du mal à personne excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il a mentionné un remède à ça, et le remède c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça fait partie des maladies de la jahiliya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu guérir. D'accord? Donc ça c'est la fin de l'explication du hadith en question. Tayyib. Donc on continue maintenant l'explication des hadiths qui sont mentionnés par la suite. Le cheikh il dit quoi? Il dit « Wa lahuma an Anas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Donc ça c'est le hadith qui est apporté à ce sujet-là. Deux hadiths. Le premier hadith qui est apporté selon Anas radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de adwa. Il y a l'adwa, on l'a expliqué, c'est la contagion. Voilà, tiyara. Il n'y a pas de mauvais présages, des trucs de ce genre-là. ويعجبني الفأل. Et j'aime beaucoup الفأل. Et les gens ont dit, qu'est-ce que c'est الفأل? Il a dit, c'est une bonne parole. Et dans un autre hadith, rapporté selon Abi Daoud, avec une salade qui est sahih, selon Uqba ibn Amir, hein, il a dit que, on a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, الطير. Donc, on a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, الطيرة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur de ce qui a rapport avec At-Tiyara, c'est Al-Fa'al. Ok, At-Tiyara, on a expliqué, c'est le fait de croire aux mauvais présages, des trucs de ce genre, de croire que ça peut avoir un impact ou une influence sur ta vie. Comme hier par exemple, c'était vendredi 13. Eh bien, il y a des gens qui croient que ça amène une mauvaise augure, que ça peut porter malheur. Et donc, il s'empêche de faire certaines choses qu'il voulait faire ce jour-là parce que c'est un jour, ça disait, qui porte malheur. Et ça, c'est un exemple de Tiyara. Ok? Et donc, le Cheikh, il explique que quand on a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a mentionné At-Tiyara. Il a dit, le mieux qui a rapport avec At-Tiyara, c'est qu'est-ce qu'on appelle Al-Fa'al. Et tout à l'heure, on a lu le hadith où le prophète a répondu à la question qu'est-ce que c'est Al-Fa'al. Il a dit c'est Al-Kalimat al-Tayyiba, c'est-à-dire une bonne parole. Et en réalité, c'est, si on le traduit parfois comme par le terme optimisme, hein, mais en réalité, c'est d'avoir un bon sentiment par rapport à quelque chose. Ok, parce qu'il est, il inspire le bien. Par le nom qu'il a, ou parce que c'est une bonne parole, justement, ça inspire du bien. Eh bien, on va voir ce que ça signifie. Après, il dit, voilà, tarud musliman, c'est-à-dire, ça ne doit pas ramener, disons, repousser quelqu'un, un musulman, à faire quelque chose qu'il a décidé de faire. Donc, le cheikh, il dit, le cheikh, il mentionne ce hadith-là, et dans la suite, ça dit, et si un d'entre vous voit ce qu'il n'aime pas, alors qu'ils disent, oh Allah, personne ne peut amener le bien excepté toi, et personne ne peut repousser le mal excepté toi, et il n'y a pas de pouvoir, ni de mouvement, ni de pouvoir excepté par toi. Donc, ça c'est le dua à faire quand on fait face à ce genre de choses, ce genre de mauvaise augure, il ne faut pas se laisser affecter par ça. Le cheikh dit, هذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيرة. والفرق بينها وبينهما وبين الفأل بيان ما تعالج به وبيان ما تعالج به الطيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لا عدوى، العدوى سبق الكلام فيها، وأن معناها انتقال المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته له أو ملامسته له ونحو ذلك. ولهذا كان أهل الجاهلية يعملون أعمالا فظيعة خوفا من العدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأمر باتخاذ الأسباب الواقية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقوله لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية، وإنما العدوى بأمر الله ومشيئته، فإذا توكلت على الله أمنت وآمنت بالله وقوي يقينك بالله واتخذت الأسباب التي أمر الله بها، فحينئذ تكون قد فعلت المشروع والتوكل ليس معناه أنك تترك الأسباب بل تأخذ بالأسباب الواقية ولا تقدم على البلد الذي فيه الوباء ولا تخرج منه إذا وقع وأنت فيه ولا تخالط الممرضين أم تقدر وأنت تقدر على الابتعاد عنهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المريض ليس له أحد يعالجه والمصاب ليس له أحد يعالجه ويقوم بشؤونه فتوكل على الله وقم بمعالجة المريض وقم بخدمته وتوكل على الله أما ما دمت على في غنى عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته فأنت لا تقدم عليه من باب أخذ الأسباب. Le cheikh il explique al-adwa, qu'est-ce que c'est? Il a expliqué tout à l'heure, on a dit que c'est la contagion. Al-adwa. La-adwa, ça veut dire qu'il n'y a pas de contagion. Et, yani, on a expliqué ça dans le début du cours, yani, que les gens de la Jahiliya, ils croyaient que la maladie, elle avait un pouvoir elle-même de choisir ou de décider comment elle va tomber, sur quelle personne elle va tomber, puis de se propager comme elle veut librement, sans que ce soit par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que, qu'est-ce que ce hadith-là est venu nier? Il n'est pas venu nier que la contagion existe. Il est venu nier uniquement que ce soit en dehors de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par exemple, il faut croire que la contagion, elle est uniquement par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté. Et lorsque tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as cru en lui et que tu as une conviction profonde et forte en Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas prendre les moyens nécessaires qu'Allah t'a ordonné de prendre. Et donc, lorsque tu as fait ça, eh bien, ça veut dire que tu as fait ce qui t'a été ordonné de faire par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on avait expliqué, c'est que si, yani, par exemple, il y a, le cheikh il explique, il dit, tu prends les moyens nécessaires pour éviter, pour te protéger contre que cette maladie se répande. Et supposons qu'il y a dans un pays une maladie qui est contagieuse, qui commence à se répandre dans cette ville-là, comme la peste, par exemple. Eh bien, si la peste commence à se répandre dans une région, puis toi tu es à l'extérieur, puis tu veux rentrer dans cette ville-là, n'entre pas. Le prophète a dit, si vous savez qu'il y a la peste dans une ville, n'entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur de cette ville et que vous voyez que la peste est apparue, ne sortez pas. Si tu es en dedans, reste en dedans. Si tu es dehors, reste dehors. Hein? Comme ça, ça va éviter que la maladie va se propager. Qu'est-ce qui arrive souvent quand il y a une peste ou quand il y a une maladie qui apparaît quelque part? Tout le monde veut s'enfuir. Tout le monde commence à partir. Prendre ses affaires puis essayer de s'en aller ailleurs pour se sauver, pour pas tomber malade. Et qu'est-ce qui arrive quand ils font ça? La maladie se propage ailleurs. Hein? Et donc c'est ça le danger. Et d'autres personnes peut-être qui sont d'ailleurs, qui savent qu'ils ont des parents ou des proches qui sont dans cette ville, ils veulent absolument aller pour essayer d'aller sauver leurs proches ou aller voir leurs proches, et ben ils rentrent et il y a une il tombe malade après, ou des choses comme ça. Mais, c'est-à-dire, comme j'avais expliqué dans le cours dernier, le cours 83, que, une fois, il y a un homme qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de contagion. Et, il a dit, oui, mais comment ça se fait que quand on a des animaux, on a des chameaux par exemple, s'il y en a un qui est malade, puis qu'on le met avec les autres, eh ben les autres aussi vont tomber malades. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a fait que le premier d'entre eux tombe malade, hein? Donc, c'est toujours la question, tu vois, que tout ça c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, quelqu'un va être en contact direct avec la maladie, il tombe pas malade, il meurt pas. Alors que l'autre va être en contact avec la même personne, et il meurt, et il tombe malade et il meurt. Donc, c'est pour dire que c'est pas uniquement le fait de dire que tu as touché ou tu as un contact avec le malade que tu meurs. Non, il y a aussi d'autres facteurs qui ont été prédestinés et établis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que il faut prendre les moyens nécessaires pour éviter de tomber malade, comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais en même temps, il ne faut pas juste uniquement croire que c'est des choses que la maladie, par exemple, elle se contrôle par elle-même, puis elle décide elle-même sur qui elle va se lancer ou non. Tout ça, c'est contrôlé par Allah, c'est Allah qui décide. Et que toi, tu prends tes moyens pour t'en protéger. Si tu tombes malade, alhamdoulilah. Si tu tombes pas malade, alhamdoulilah. Mais toi, t'as fait ton possible pour l'éviter. Le cheikh, il dit, comme on a dit, tu dois pas aller pour te mélanger avec les malades, alors que t'es capable de rester loin. Tu dois pas dire, bon, je mets ma confiance en Allah, ça y est, je m'en vais chez les malades. Je rentre là où il y a la peste ou la maladie, je m'en vais me mélanger avec les malades pour, en disant j'ai confiance en Allah, rien ne va m'arriver. Là, tu te jettes dans la fitna toi-même, d'accord. Donc tu t'éloignes puisque tu es capable de t'éloigner. Mais en même temps, s'il y a une nécessité qui t'amène à avoir affaire à contacter ces gens-là qui sont malades, comme le cheikh dit par exemple qu'il y a un malade et personne n'est capable de le traiter excepté toi, il n'y a personne qui peut le traiter ou s'en occuper excepté toi, hein. Et bien dans ce cas-là, tu mets ta confiance en Allah et tu l'aides le plus que tu peux pour essayer de t'occuper de lui, ok. Donc tu t'occupes de lui en mettant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu es capable de, comme si la personne n'a pas besoin de toi et que tu es capable de t'éloigner du fait de te mélanger avec les malades, eh ben s'il n'y a aucun besoin pour toi d'aller vers eux, alors reste loin d'eux, ne te mélange pas avec eux, tu comprends. Et donc si tu fais, tu dois pas t'avancer toi-même en disant par exemple je vais mettre ma confiance en Allah puis tu penses que ça ne dérange pas. Non, les moyens nécessaires pour te protéger et t'éloigner de cette maladie-là. Après, le cheikh il parle de la suite du hadith, وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلِ. Et الْفَأْلِ, le cheikh il dit, c'est قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُنِي الْفَأْلِ الْفَأْلِ تَأْمِيلُ الْخَيْرِ وَالطِّيَرَةِ تَأْمِيلُ الشَّرِ وَتَأْمِيلُ الْخَيْرِ مطلوب وَالطِّيَرَةِ مَمْنُوعَةِ لأن الطيرة سوء ظن بالله والفأل حسن ظن بالله جل وعلا. فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدره وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب. ولهذا كان الفأل يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع صلى الله عليه وسلم اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله جل وعلا. دونك لشيخ يذكى للقفاة صلى الله عليه وسلم كيذيه كإنما الفأل تتذير que Al-Fa'l, il dit que ça signifie quoi? Avoir une bonne impression, une bonne espérance, espérer du bien, c'est ça que ça veut dire. Ta'mil al-khayr. Et Al-Tayara, c'est le contraire, c'est ta'mil al-shar. Et si tu veux, tu peux dire que Al-Fa'l, c'est d'être optimiste, et Al-Tayara, c'est d'être pessimiste, d'avoir des pensées négatives. Tandis que quand tu es Al-Fa'al, c'est tu penses du bien, t'as des pensées positives, ok, tu espères du bien. Ouais, le Cheikh il dit que de penser le bien, d'espérer le bien, c'est quelque chose de recherché, c'est quelque chose qu'on doit vouloir rechercher et atteindre. Et At-Tayara, c'est interdit, parce que c'est de penser mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le Al-Fa'al, l'optimisme ou bien d'espérer le bien, c'est quelque chose de bien et ça veut dire que tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si une personne entend une parole qui est bonne, automatiquement elle va avoir une bonne pensée par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur va s'étendre, sa poitrine va s'ouvrir à ce bien-là, à cette parole-là, ou lorsqu'elle voit quelqu'un de bien, elle voit quelqu'un qui est bien, et bien automatiquement sa poitrine s'élargit, ou bien s'ouvre par rapport à cette personne-là ou à cette parole-là, et elle va penser que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire du bien, il va faire venir du bien à cette personne. Et le Cheikh il dit, et ça c'est quelque chose qui est bien, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait toute bonne parole, ou toute bonne personne, ou toute bonne chose qui pouvait inspirer ou y faire espérer le bien. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait quelqu'un qui a un beau nom, ou bien entendait une belle parole, ou passait près d'un endroit qui était bon, eh bien, son cœur s'ouvrait à cette chose-là, et il espérait du bien, et il pensait du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit, « وَلَمَّا أَقْبَلَ سُهَيْلْ إِبْنُ عَمْرْ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَّةِ لِيَتَفَاوَضُ مَعَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ مُقْبِلًا قال صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم وكان كما أمل الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مجيئه سبب خير. Le Cheikh dit que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a vu que lors de l'histoire de Al-Hudaybiyah, c'est quand il y a eu le traité de paix avec les mushrikins, Al-Hudaybiyah, la personne qui est venue pour débattre avec ou parlementer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personne dénommée Suhail ibn Amr. Oui, Suhail ibn Amr. Et Suhail, c'est la petite forme de Sahl. Et Sahl, ça veut dire facile en arabe. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Suhail approcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre affaire a été facilitée. Parce qu'il a su que la personne s'appelle Suhail, donc ça inspire un bien, et donc il espérait du bien de cette personne. Et le Cheikh il dit, et effectivement, ça a été comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait espéré, puisque sa venue a amené du bien par la suite. Allahu a'lam, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je sais, c'est que, disons, al-sulh al-hudaybiyah a amené beaucoup de bien, et que ça s'est bien passé lors de la rencontre. La période de paix, ou le traité de paix qu'il y a eu entre les musulmans et les mushrikines, qui ne devaient pas, disons, s'agresser les uns les autres, et que il y avait certaines règles à respecter entre les deux parties. On en a parlé de ça dans un cours précédent. Non, après. Ça, c'était à Médine. C'était quand les musulmans se dirigeaient pour aller faire l'Umra, puis ils ont été stoppés en chemin, puis ils n'ont pas pu faire l'Umra cette année-là, mais ils ont pris une entente avec les mushrikines qu'ils n'allaient pas s'agresser les uns les autres, ils ont fait un genre de pacte. Donc c'est ça. Donc ça a eu des bonnes conséquences, parce que pendant toute la période du pacte, il y a eu beaucoup d'opportunités pour les musulmans pour faire la da'wa. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis durant cette période-là. En fait, le plus grand nombre de personnes qui se sont converties à l'islam, ça a été durant la période de Sulh al-Hudaybiyya. D'accord? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, disons, plus de facilité par la suite pour faire la da'wah. Donc le cheikh dit « وَقَوْلُهُ فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ إِلَىٰ آخِرِهِ وَفِيهِ مَا تُعَالِجْ بِهِ الطَّيَرَةُ وَهُوَ هَذَا الدُّعَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ » ok, cheikh dit « وَفِي حَدْ » ok, donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné ce dua qu'on peut dire. Le dua c'est quoi? C'est « Oh Allah, personne ne peut amener du bien excepté toi, ni repousser le mal excepté toi, et il n'y a pas de mouvement et ni de force excepté par toi. » Donc ça c'est un dua que la personne peut mentionner, et ça ce dua-là il va traiter ou guérir qu'est-ce qu'on appelle un tayara. Et c'est donc le dua qu'on doit dire si on fait face à ce genre de mauvaise augure. Ensuite, le cheikh il dit un autre hadith, il rapporte un autre hadith, le cheikh Mohammed Abdelwahab dans ce chapitre, c'est une athar rapportée selon Abdou Mas'oud qui dit que At-tayara shirk. At-tayara shirk. Wama minna illa walakin Allah يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ok, يعني c'est une parole qui est attribuée c'est Abdullah ibn Mas'ud et qui est attribuée au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم excepté la fin. Ça dit quoi? Ça dit que الطيرة شرك. الطيرة c'est une forme de shirk, le croire au mauvais augure et aux mauvaises des trucs qui mauvais présages, des mauvaises augures et qui portent malchance, des trucs comme ça, comme qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les mauvaises augures comme le vendredi 13 ou autre chose de ce genre, ça fait partie du shirk. C'est une forme de shirk de croire que ces choses-là peuvent avoir un impact sur toi et que tu te laisses influencer par ces choses-là dans tes choix, dans ta vie, ben ça fait partie du shirk. Et ensuite, les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud, ça dit, mais il n'y en a personne parmi nous excepté qu'il ressent ces choses-là en lui. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala le fait partir par at-tawakkul, c'est-à-dire par le fait que tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que tu peux ressentir de mauvais augure ou de mauvais présage parfois dans ton cœur? Eh ben, il faut le faire partir par le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça maintenant. Il dit, في حديث ابن مسعود قال الطيرة شرك الطيرة شرك كرر هذا مرتين أو ثلاثا تأكيدا وقد قدمنا بيان معنى كونها شركا وقوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هذا من كلام ابن مسعود يقول يقع في قلوبنا شيء من الطيرة فإذا رأى الإنسان شيئا يكرهه يقع في نفسه شيء لأنه لا يقدر على رد هذا وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي أو تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها وما لم تتكلم أو تعمل فكونه يقع في نفس الإنسان شيء إذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف شيئا ثم لا يتأثر ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرعه الله ولا يؤاخذ على هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل هذا هو العلاج فالمؤمن يتوكل على الله ولا يضره ما وقع في نفسه ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله. الشيخ dit que la parole d'Abdullah ibn Mas'ud et il n'y a personne parmi nous excepté qu'il ressent quelque chose parfois de ça dans son cœur et Allah le fait partir par le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il explique que ça c'est parce que dans notre cœur, il y a toujours, il va toujours y avoir parfois de ce genre de mauvaise augure. Hein? Par exemple, tu sors chez toi, tu vois un oiseau comme un corbeau, une corneille, devant ta porte ou devant ta voiture, qui commence à crier, et ben automatiquement, peut-être que tu vas penser que c'est une mauvaise augure, et que ça c'est quelque chose qui t'indique quelque chose de mal qui va t'arriver. Sauf que tu dois pas t'arrêter par rapport à ces choses-là. Tu dois l'ignorer absolument, et mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et continuer ta journée, et faire ce que tu avais planifié de faire, peu importe qu'est-ce qu'il peut y avoir comme signe de mauvais présage. D'accord? Parce qu'il faut pas te laisser affecter par ces choses-là. Le cheikh il dit, c'est comme l'exemple que tu vois quelque chose que tu détestes, et ça a un effet sur toi, ça il dit que t'es pas capable de le repousser, cette sensation que tu reçois en toi, que tu ressens en toi. T'es pas capable de le repousser parce que ça y est, ça arrive, c'est naturel. Et l'être humain, il n'est pas coupable, il n'est pas blâmé d'avoir cette sensation-là en lui, d'avoir cet effet-là en lui. Sauf que, il faut pas que cette chose-là l'affecte au point que lorsqu'il voit ce qu'il n'aime pas, il commence à avoir peur et qu'il décide de, par exemple, changer ses plans à cause de ça. On a craint شيئاً ثم لا يتأثر ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرعه الله ولا يؤاخذ على هذا. Tant que tu restes dans les limites de la charia et que tu ne commences pas à réagir d'une manière qui, en faisant des choses qui sont en contradiction avec ce que Allah a légiféré, dans ce cas-là, tu n'es pas blâmé, tu n'es pas coupable pour ça. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par-dessus les choses que les musulmans font, hein, ou bien qu'est-ce qui est fait parmi les gens de la Ummah, que ce soit par erreur ou par oubli, ou bien qu'est-ce que les gens se disent en eux-mêmes tant qu'ils n'en parlent pas et qu'ils ne l'appliquent pas. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait quelque chose par oubli, il est excusé, ou il se trompe, il fait une erreur, il est excusé, ou bien il se dit quelque chose en lui-même mais il ne l'applique pas, ou il ne le dit pas, tant qu'il ne le dit pas, tant qu'il ne le fait pas, il n'est pas puni pour qu'est-ce qu'il a pensé. C'est seulement lorsqu'il a appliqué cette pensée-là, ou parlé selon cette pensée-là, c'est là qu'il sera tenu pour compte pour qu'est-ce qu'il a fait. Et allez, ça c'est autre chose. Si c'est par exemple une pensée négative par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de vouloir y aller, ça c'est autre chose, parce que ça a rapport avec l'aqida, de penser du mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est pas une pensée par rapport de que tu penses mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est que tu avais pensé de faire quelque chose de mal, puis tu l'as pas fait, ou tu as pensé quelque chose de mal à propos d'une personne, puis tu l'as pas dit, dans ce cas-là, tant que c'est resté en toi, tu ne seras pas tenu pour compte pour cette chose-là. Comme si par exemple tu dis à propos de, en toi-même tu te dis, ah cette personne-là je pense qu'elle est pas bonne, puis tu ne l'as pas dit à personne, tu n'as pas agi selon cette pensée-là, sauf que tu l'as gardé en toi, eh bien dans ce cas-là tu n'es pas tenu pour compte par rapport à cette pensée. Mais si tu commences à appliquer, à parler de ça, ben là par la suite tu vas être tenu, tu vas être pris pour compte pour cette chose-là, parce que tu auras parlé de quelqu'un en mal, sans preuve, hein, et peut-être tu auras parlé dans son dos ou des trucs de ce genre. Donc ça c'est des exemples. Wallahu a'lam. Et après le cheikh il dit, walakin Allah yuzhibu, hein, yuzhib, walakin Allah yuzhibuhu bit-tawakkul. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partir cette sensation-là de la personne lorsque la personne met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le remède, que le croyant, il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait que ces choses-là ne peuvent rien lui faire de mal, hein. Ce qu'il a ressenti comme sensation en lui-même, lorsqu'il a vu ces mauvais présages-là, eh ben, ça va pas l'affecter parce que il a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait partir de lui cette mauvaise pensée-là. Après le Cheikh il dit فهذا إشارة إلى ما تعالج به الطيرة أيضا وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم المضي وعدم التردد فإن تأثر بالطيرة التي وقعت في نفسه وقعد عن الخروج وفر من المكان الذي تطير منه فهذا هو الطيرة المذمومة لأنها أثرت فيه فمضى أو رجع للشيخ إكسليك إلزي Ça c'est donc une indication pour nous montrer qu'est-ce qui peut traiter ou remédier au problème de mauvaise augure. C'est de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, puis de continuer notre chemin, notre plan, tel qu'on avait planifié, sans avoir d'hésitation. Le cheikh il dit, tandis que si une personne se sent affectée par le mauvais présage, et qu'elle a vraiment affecté sa personne, qu'il a commencé à dire « Ah ben si c'est comme ça, je vais pas sortir, il y a le corbeau là devant mon auto, puis il commence à crier « Ah non, je rentre chez moi », hein ?» Ou bien, par exemple, il s'enfuit de cet endroit-là, il dit « Ah non, cet endroit-là, c'est un endroit qui amène le malheur ou qui indique qu'il va y avoir un malheur, donc il s'enfuit de cette chose-là ou de cet endroit-là, et bien dans ce cas-là, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle « At-tiyara al-mazmouma », ça c'est le mauvais présage, et ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que ça c'est « shirk », et ça c'est pas permis pour un croyant. Parce qu'elle a vraiment affecté cette personne-là, au point qu'il décide de s'en aller ou de s'enfuir, ou de retourner chez lui. Donc le cheikh il mentionne ça. Ensuite il mentionne un autre hadith, ou une autre narration, ولي أحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك وقال فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك donc le cheikh explique ça maintenant et il dit قوله الطيرة ما أمضاك alors وقوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك فيه أن التطير الذي يرد ويمنع الإنسان عن حاجته شرك donc c'est ça la citation qui rapportait selon Ibn Amr qu'il a dit celui qui se fait retourner c'est-à-dire qui refuse de continuer son plan à cause de la mauvaise augure celui-là il a fait le shirk c'est-à-dire celui que la mauvaise augure l'a ramené ou l'a refait retourner sur ses pas et bien lui il a fait le shirk et ils ont demandé au professeur sallam c'est quoi l'expiation d'une chose pareille et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est de dire oh Allah il n'y a pas de bien excepté ton bien et il n'y a pas de païr, c'est-à-dire il n'y a pas d'oiseau excepté ton oiseau et il n'y a pas de divinité excepté toi il n'y a pas d'autre divinité ou rien qui mérite d'être adoré autre que toi d'accord et la païra illa païrok il n'y a pas de bien excepté ton, il n'y a pas de mal excepté qu'est-ce que tu as créé comme conséquence, il y a les deux choses qui sont négatives. Et en réalité, il n'y a rien qui peut nous toucher, ni de bien ni de mal excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut croire en ça et savoir que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a la citation de Abdullah ibn Abbas qui dit, Al-Fadl ibn Abbas qui dit que At-Tayara, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est tayara, c'est la mauvaise augure, c'est qu'est-ce qui te fait soit revenir sur tes pas ou bien qui te fait t'enfuir. Qu'est-ce qui te fait t'enfuir ou qui te fait revenir sur tes pas? Et c'est ça que le cheikh explique. Donc le cheikh il dit, وقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة ما أنضاك أو ردك ما أنضاك يعني ما نفرك من المكان أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته وفررت منه تأثرا بالطيرة فهو الشرك. لشيخ زي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit At-tayara, c'est ce qui t'a fait amdaka. Amdaka, le cheikh il explique que amdaka ça veut dire qu'est-ce qui t'a fait fuir de cet endroit-là ou de cette personne-là ou de cette chose-là que t'as vu qui t'a fait peur, que tu as cru que c'était un mauvais augure. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle At-tayara. C'est ça, c'est soit qu'est-ce qui te fait enfuir de ce qui prête mauvaise augure, ou bien awradaka ila awradaka ay an hajatika ka an turid an tusafir wa lamma ra'ayta al-sa'lat aw al-ghurab aw fulanan alladhi takrahu qult hadha safar laysa bihasan aw tayyib wa raja'ta anhu fa hadha huwa at-tatayyur wa huwa ash-shirk wal wajib 'alayka hinama حصل لك هذا الشيء وكرهت في نفسك أن ترفضه متوكلا على الله أن تمضي في حاجتك. لشيخ الذكر أو ردك هذه سواء طيارة سي دو دو شوز سواء كو سي كيلك شوز كي تفا فوير كيسكو تو فولي فار بيان كي تو فا ريفني شي توا puis qui te fait abandonner ton projet. Et le cheikh donc il donne cet exemple-là, awraddaka, c'est-à-dire quelque chose qui te fait revenir sur tes pas et abandonner ton projet, comme par exemple tu voulais voyager, puis lorsque tu as vu le renard ou lorsque tu as vu le corbeau, hein, tu t'es dit ah non, ou bien tu as vu une personne que tu n'aimes pas, alors tu as dit ah non, ce voyage c'est pas une bonne chose, hein, je ne vais pas le faire parce que j'ai vu telle ou telle chose. Et le le fait que quelque chose soit difficile, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas bon. Hein? Des fois, il y a quelque chose qui est difficile, mais que quand tu vas persister à le faire, ça va amener du bien pour toi. Mais il y a beaucoup de choses difficiles comme ça. Hein? Comme par exemple, des fois, tu veux faire da'wa, tu vas appeler les gens à l'islam, puis et tu vas avoir plein de difficultés dans ton travail. Et puis tu vas dire, ah, mais ça c'est pas bon, ça veut dire je vais abandonner. Non, tu peux pas dire ça. Tu vois. Des fois, s'il y a de la difficulté, au contraire, c'est un signe que tu dois persister encore plus et faire plus d'efforts. Tu vois. Donc ça c'est un exemple. Et donc, Yanni, le cheikh, il dit que si tu abandonnes ton voyage à cause de ça, puis que tu retournes chez toi, eh ben ça c'est être tayyur. Ça c'est le fait de croire au mauvais présage, et ça c'est shirk. Et il dit le chef que qu'est-ce qui est obligatoire pour toi lorsque une chose pareille t'arrive et que tu vois quelque chose de ce genre ou que tu as affaire à ce genre de mauvais présage, eh ben tu dois refuser de te laisser contrôlé par ce genre de mauvais présage, et tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et continuer dans ton projet et dans ton but, qu'est-ce que tu voulais faire. Après le cheikh il dit ثم بينا ما تعالج به الطيرة وهو ثلاثة أمور الأمر الأول وهو الأصل التوكل على الله سبحانه وتعالى وأنه لا يأتي بالخير ويسع الشر إلا هو سبحانه وهو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح مختار. الحمد لله. Donc le cheikh il dit que لا ينفع الشر إلا الله ولا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي يضر وينفع وهو الذي يتصرف في الكون، فإذا توكل على الله فإن التطير الطيارة لا تضره. Donc le cheikh il dit que pour guérir ce problème de mauvaise augure ou mauvais présage, il y a trois choses qu'on peut faire pour se protéger ou se guérir contre cette chose-là. La première chose, c'est d'avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu dois être convaincu que cette mauvaise augure-là ne peut rien faire contre toi, ne peut pas t'atteindre, et qu'il n'y a rien qui peut t'amener du bien ou repousser un mal, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, celui qui va t'amener du bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui va te repousser ce mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et rien peut te nuire ou te profiter, excepté lui. Et yani, personne ne peut avoir un contrôle dans l'univers, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a le contrôle absolu de tout ce qui se produit dans l'univers. D'accord? Et si tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors les mauvaises augures n'auront aucun impact contre toi. Après le cheikh dit à l'amr al-thani, أن يمضي في حاجته التي أرادها. بارك الله فيك. نعم. Deuxièmement, que tu continues dans cette chose-là que tu avais planifié de faire. ولا يرجع عنها بسبب التطير. Ça c'est la deuxième remède. C'est-à-dire, la première c'est d'avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose à faire lorsque tu fais face à ce genre de choses, c'est de continuer à faire ce que tu voulais faire. Tu ne reviens pas sur tes plans ou sur ton projet par rapport à qu'est-ce que tu as vu comme mauvaise augure ou comme soit disant des choses qui portent malheur. Hein? Donc, tu continues à le faire et tu ne refuses pas de le faire ou tu ne reviens pas sur ta décision à cause de cette mauvaise augure-là. Et la troisième chose, الأمر الثالث الدعاء بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء عظيم وفيه توكل على الله وفيه اعتراف بأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله سبحانه وتعالى وليست الطيارة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أحد يحول من حال إلى حال إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقوى على شيء إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique maintenant que la troisième chose à faire lorsqu'on fait face à ce genre de mauvaise augure, c'est de chercher à invoquer Allah et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et ce dua-là c'est de dire « Oh Allah, personne n'amène le bien excepté toi, et personne ne repousse le mal excepté toi, et il n'y a pas de mouvement, ni de force, il n'y a pas de changement, ni de force excepté par toi. » Et ça c'est un grand dua. Et il y a dans ce dua la confiance qu'on met en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi dans ce dua la reconnaissance que le bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui repousse le mal et non pas les mauvaises augures. Non pas les mauvaises augures. Et il dit aussi qu'il n'y a pas de hawl et il n'y a pas de quwwa excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Hawm, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut faire changer quelque chose, ou le faire changer d'un état à un autre, excepté Allah. La Hawm, le chef il explique, il dit, hey, la yuhawm, min hal ila hal ila Allah. C'est ça que ça veut dire, la Hawm. La yuhawm, min hal ila hal ila Allah. Donc il n'y a rien qui fait changer quelque chose, ou transformer quelque chose d'un état à un autre état, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahadun yaqwa ala shay illa bi quwwatillah. Il n'y a personne qui peut arriver à faire, à avoir la force de faire quelque chose, excepté par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça signifie. Wa ad-du'a al-thani, Allahumma la khayra illa khayruk, ولا طير إلا طيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ولا خير إلا خيرك أي لا أحد يجلب الخير إلا أنت ولا طير إلا طيرك أي لا يصيبك شيء إلا بإذن الله قدره إلا بإذن الله وقدره ومشيئته وبسبب ذنوبك. Le cheikh il dit qu'il y a un deuxième doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est de dire, oh Allah, il n'y a pas de bien excepté ton bien, et il n'y a pas de taïr, il n'y a pas d'oiseau excepté ton oiseau. Mais ça c'est traduction littérale, la signification c'est pas ça. Ça veut dire, on va l'expliquer. Voilà, il a un rayouk, et il n'y a pas de divinité ou rien qui mérite d'être adoré excepté toi. Le cheikh il dit, la khayra ila khayruk. Il n'y a pas de bien excepté ton bien, ça veut dire personne ne peut amener le bien excepté que ça vient de toi. Hein? Personne ne peut amener le bien excepté Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est ça la signification. Wala tayra illa tayruk, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas rien qui peut t'atteindre excepté par la permission d'Allah et que ce soit quelque chose que Allah a prédestiné et voulu. Et à cause de tes péchés. À cause de tes péchés. Et il dit qu'un tayara, on le guérit donc par ces trois choses-là qu'on a mentionnées. Donc, le cheikh, il dit, en résumé, tayara, tu alaj bi hadhi l'umur al-thalatha, awwalan al-tawakkul ala Allah, thaniyan al-mudhi, wa adam al-ta'assur biha, wa la tadhhar ala tasarrufatik, wa ka'annaha ma wujidat. والثالثة أن تدعو لهذه الدعوات الواردة في الأحاديث فإذا دعوت الله بهذه الدعوات فإن الله يعافيك من الطيرة ويعني يمدك بإعانته ونصره وتوفيقه والله تعالى أعلم. Donc pour résumer, le remède pour les mauvais augures et les mauvais présages et les choses de ce genre, c'est, ou les superstitions, c'est ces trois choses-là. La première, de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, de continuer ton chemin et de ne pas te laisser te faire influencer ou affecter par ces mauvais augures-là, hein, et que ça change rien de tes projets ou de tes plans ou de ton attitude, comme si ça n'avait jamais eu lieu, hein. Et troisièmement, que tu fasses des doigts qui ont été mentionnés, comme les doigts qu'on a mentionnés. Et si tu demandes à Allah par ces doigts-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va t'épargner, hein, de ces mauvaises augures-là, et il va t'aider et te donner son support et son succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour aujourd'hui, et demain on va continuer donc avec un nouveau chapitre, le chapitre 29, Inch'Allah, Maja'a fi al-Tanjim, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de al-Tanjim, c'est-à-dire l'astrologie, d'accord, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.